Merci beaucoup Raoul, merci à vous tous d'être là ce soir, merci pour votre accueil chaleureux Raoul et Nicole et tous les amis du Bnei Brit. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver avec vous ce soir et également très touchée de vous parler de la foi bahaï. Est-ce que vous êtes bien installés sur vos chaises? Ça va bien? Pas trop fatigué? Bon, alors installez-vous bien, nous allons faire un très joli voyage ensemble. Je vous emmène pour l'espace de cette soirée, tout d'abord à Haïfa, Haïfa en Israël. Nous sommes au pied du mont Carmel, il y a la grande avenue Ben-Gourion. Et puis vous arrivez au bout de l'avenue Ben-Gourion, en montant de la mer, et vous arrivez à un rond-point. Et ce rond-point, il y a à peine 2 semaines, je crois, a été nommé par l'UNESCO la place de la paix et de la tolérance. Et de ce rond-point, vous avez ce beau portail. Et nous allons pousser la porte de ce portail et ensemble gravir les marches de ces jardins suspendus. Vous avez 19 terrasses de jardin. Il y a 1 km entre la première terrasse et le haut des 19 terrasses. Des jardins merveilleux, vous entrez, vous commencez à gravir les marches et entre les marches, il y a un petit filet d'eau qui coule avec un bruit qui a été spécialement étudié pour calmer, pour apaiser. Et très vite, vous oubliez les bruits de la ville parce que Haïfa est une ville extrêmement dynamique. Et vous entendez les oiseaux, vous regardez toute cette flore, tous ces oiseaux qui sont revenus là, et vous vous dites, mais où suis-je? Les Israéliens, vous dites, vous êtes au pied, au milieu de la 7e merveille du monde. Et l'UNESCO, récemment, a décrété ces jardins et les bâtiments bahaï, patrimoine mondial de l'humanité. C'est un privilège de se retrouver là et vraiment c'est un coin de paradis. Ce jardin est un jardin symbole de la paix offert à l'humanité entière par les Bahaïs. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça les Bahaïs? Mais c'est quoi ces Bahaïs présents en Israël et à Jérusalem même? Un grand professeur, Ariel Sharon, qui a la chaire des études bahaï à l'université hébraïque de Jérusalem. Et ce grand professeur, dans un magnifique hébreu, qui a traduit le livre le plus saint pour les bahaï. Mais quelle est donc cette connexion? Et puis à Haïfa, à l'université de Haïfa, il y a un département d'études bahaï. Alors, c'est pour ça que je suis très touchée, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce lien et de cette présence bahaï dans le monde et en Israël. Alors, poussons ce portail et commençons à découvrir ensemble la foi bahaï. S'il vous plaît, à tout moment, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, à la fin de cette présentation, avec quelques diapositives, nous aurons un moment d'échange, je compte sur vous. Hein. Vous n'allez pas me laisser faire un monologue quand même. Bien, alors la foi bahaï, tout de suite il faut le dire, ce n'est pas un mouvement philosophique, ce n'est pas, je ne sais pas, une théorie. La foi bahaï est une religion. C'est une religion mondiale, il y a des bahaïs partout dans le monde, comme l'a indiqué Raoul. Et quel est le but de cette religion? Si je peux commencer par là, le but avoué, affirmé partout, c'est d'unir tous les races et tous les peuples dans une cause universelle et une foi commune. Unir. Et vous avez là le maître mot de la foi bahaï. C'est l'unité. Retenez ce terme. Nous allons à plusieurs reprises reparler de l'unité. Et qu'est-ce que ça représente pour les bahaïs, l'unité? Les bahaïs s'appellent comme ça parce qu'ils sont les disciples du fondateur de la foi bahaï qui a pris le nom, ce n'est pas son nom de naissance, mais il a pris le nom de Baha'u'llah. Baha'u'llah en perse ou en arabe veut dire la gloire de Dieu. Et pour les bahaïs, Baha'u'llah est le promis de tous les âges, celui qui est annoncé dans toutes les prophéties bibliques, religieuses, En d'autres termes, le Messie, si vous voulez l'appeler comme ça. Pendant cette présentation, j'ai étayé les diapositives de quelques citations des écrits Baha'i pour que vous n'ayez pas seulement mes paroles, mais les paroles vraiment de Baha'u'llah ou les écrits Baha'i pour faire connaissance. Voici une parole de Baha'u'llah. Il dit « Le remède souverain ordonné par le Seigneur, le moyen le plus puissant pour la guérison du monde entier, c'est l'union de tous ces peuples en une cause universelle, une même foi. » Dans le slide suivant, je vais vous donner une autre citation pour parler de ce « une même foi ». Ça peut sonner très choquant d'entendre parler d'une même foi. Mais avant de vous en parler, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de l'arbre. Peut-être que certains la connaissent déjà. Cette histoire est comme une légende. C'est l'histoire de deux frères qui aimaient beaucoup, beaucoup, mettons qu'ils étaient dans la région alsacienne. Ils aimaient beaucoup marcher, ils aimaient beaucoup aller dans la nature. Et un jour, ils étaient particulièrement en forme, alors ils ont beaucoup marché et dépassé les limites du territoire qu'ils connaissaient. Et arrivés en dehors de ces limites du territoire qu'ils connaissaient, ils ont vu soudain dans une clairière un très bel arbre, comme ils n'en avaient jamais vu, magnifique, avec beaucoup beaucoup de fruits, de branches chargées de fruits. Et les branches ployaient sous le poids de ces fruits qui avaient l'air succulents. Nos deux compères étaient fatigués, ils ont décidé de s'asseoir à l'ombre de cet arbre. Et puis, en tendant simplement la main, ils ont commencé à cueillir de ces fruits, à les manger. Et ils ont découvert un nectar, mais délicieux, fantastique, comme ils n'en avaient jamais connu. Et ils se sont rendus compte en mangeant ces fruits que c'était une nourriture, mais extraordinaire. Ils sentaient que toute leur fatigue disparaissait, que cette nourriture, mais nourrissait leur âme et leur corps. Alors, très contents, ils retournent voir leur famille et ils racontent leur découverte. Et ils sont tellement enthousiastes que finalement, les familles, après avoir consulté et décidé à la majorité, ils disent « Mais pourquoi est-ce que nous allons rester encore là ? Allons établir nos maisons, notre territoire au pied de cet arbre, puisque cet arbre va nous fournir toute la nourriture dont on a besoin. » Et voilà les familles qui font leur bagage et qui partent et qui commencent à construire leur maison et puis ils habitent autour de cet arbre. Ils sont heureux, ils n'ont plus grand effort à faire, l'arbre leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Et puis les familles grandissent, les années passent, les enfants naissent et puis il y a bien sûr d'autres qui viennent, des étrangers. Et puis les années passent et les siècles s'écoulent et après un certain temps, eh bien, il n'y a pas eu la transmission de l'origine, de l'installation des familles au pied de cet arbre, ni même, on a perdu avec le temps l'information qui a découvert l'arbre, comment tout ça s'est passé. Et alors, il a commencé à y avoir des interprétations, et certains ont commencé à se disputer, parce qu'une branche de la famille disait, mais c'est notre branche à nous qui a trouvé l'arbre. En réalité, nous avons été généreux, l'arbre devrait nous appartenir. Et les autres disent, mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez là? Vous déformez l'histoire, nos ancêtres nous ont raconté. Pas du tout, c'était notre ancêtre à nous qui a découvert l'arbre. C'est nous qui avons été généreux d'accepter que vous veniez tous. Bref, les querelles ont commencé. Les querelles ont dégénéré en guerre. Ils ont pris les armes les uns contre les autres. Pourquoi ? Parce que chacun disait ça, c'est à moi. Ils ont commencé à établir un territoire, à mettre des piquets, à dire ça, c'est à moi. Et cet instinct de propriété et cette identité, l'arbre est à moi et non, c'est à moi. Voilà, c'était la guerre, ça a dégénéré. Puis finalement, après que plein d'enfants soient morts dans cette guerre, ils se sont dit, ça ne peut pas durer quand même. Essayons de consulter les sages de nos différentes familles. Ils sont allés voir les sages, ils ont consulté, et puis ils leur ont dit, écoutez, peut-être que vous pouvez faire un trait au milieu, et puis ce qui est à gauche est à telle famille, ce qui est à droite est à l'autre famille. Bon, on va essayer, ils ont fait comme ça. Et au bout d'un moment, ça ne marchait pas, parce que parfois les fruits des branches qui étaient à gauche tombaient à droite. Et ils ont continué à se disputer. Et ainsi, à travers le temps, on n'a plus su d'où venait cet arbre. qui l'a découvert en premier. Et même, on se disputait sur le nom de l'arbre. Certains disaient, c'est pas arbre son nom, c'est autre chose. Mais finalement, dans tout ça, tous ces peuples, toutes ces branches d'une même famille se sont disputées. Et il n'y avait qu'une seule chose qui est restée, immuable, et donnant toujours avec autant de détachement et autant de générosité ses fruits, ben c'est l'arbre. Alors, à travers cette légende, je vous laisse méditer et comprendre que cette légende nous raconte un peu l'histoire des religions. Continuons. Voici ici une citation de l'arrière-petit-fils de Baha'u'llah, qui est le dernier descendant de la famille. Il est mort en 1956, on va retourner tout à l'heure sur l'histoire, et après lui, la descendance s'est arrêtée, et après lui, il n'y avait plus, la foi bahaïne n'était plus représentée par un individu, mais par des institutions. Je vous parlerai des institutions tout à l'heure. Cet homme a expliqué beaucoup et a traduit les écrits de son arrière-grand-père, et c'est lui qui a mis à notre disposition ces écrits, parce qu'en les traduisant en anglais, ça a permis aux autres de traduire à partir de la traduction en anglais. Et donc vous trouvez aujourd'hui les écrits bahaïs dans pratiquement toutes les langues du monde. Donc on peut faire les prières dans nos langues qui parlent à nos cœurs. Et voici ce qu'il dit. Pour expliquer l'idée de foi commune, foi, la même foi, il dit la révélation bahaïe, qui prétend être l'apogée d'un cycle prophétique et l'accomplissement de la promesse de tous les âges. Je vous ai dit, on croit qu'il est le promis de tous les âges. Ne tend en rien à infirmer les premiers et perpétuels principes, les premiers et perpétuels principes qui animent et constituent la texture profonde des religions précédentes. Elle admet et prétend elle-même, et prend elle-même, pardon, pour base définitive et inébranlable l'autorité émanée de Dieu, dont fut investie chacune de ces religions qui lui apparaissent comme étant, et ça c'est l'idée bahaïe importante, les différents stades de l'histoire éternelle et de la constante évolution d'une seule et même religion, divine et indivisible, dont la révélation bahaï ne constitue qu'une partie intégrante. Si vous voyez la religion comme un grand livre, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres. Mais l'auteur de ce livre, il est un. C'est Dieu. Et la foi bahaï, c'est un des chapitres qui ne contredit en rien. Il y a une continuité dans ce livre et ça ne contredit en rien les chapitres précédents. Mais ça vient expliciter et permettre la continuité. Donc elles ne cherchent ni à obscurcir leur origine divine, l'origine divine des autres religions, ni à amoindrir la grandeur reconnue de leurs œuvres colossales. Elle ne peut encourager aucune tentative qui tendrait à fausser leurs caractéristiques ou à déformer les vérités qu'elles inculquent. Donc c'est maintenant, avec mes mots à moi, pour vous dire, lorsque nous parlons de la foi bahaï, nous n'allons jamais remettre en question les vérités des livres saints des autres religions. La citation est un peu longue, elle continue. Ça marche ? Ah non, voilà. Ces enseignements ne s'écartent pas de l'épaisseur d'un cheveu des vérités qu'elles renferment, que les autres religions renferment. Et le poids de son message ne diminue même pas de la valeur d'un iota ou d'un point l'influence qu'elles exercent ou la fidélité qu'elles inspirent. Loin de viser à la destruction des systèmes religieux du monde, son but, le but de la foi bahaïe, avoué et inaltérable, est d'élargir leur base, de reformuler leurs principes fondamentaux, de réconcilier leur but, la réconciliation, de ranimer leur vie, de démontrer leur unité, de restaurer la primitive pureté de leurs enseignements, de coordonner leurs fonctions et d'aider à la réalisation de leur plus haute aspiration. Ces religions divinement révélées, ne sont pas condamnés à disparaître, mais à renaître par la foi pareille. L'enfant ne s'efface-t-il pas dans l'adolescent et celui-ci dans l'adulte? Cependant, ni l'enfant ni l'adolescent ne meurent. Donc lorsqu'on vous dit que la foi pareille a comme but l'unité des religions, ce n'est pas pour que les religions disparaissent. C'est pour comprendre le tronc commun, pour retrouver le sens de ce tronc commun. Nous reviendrons sûrement sur ce concept extrêmement essentiel. Alors, c'est une religion qui croit en Dieu. Ça va bien. C'est une religion qui croit en un Dieu unique. Et là, vous allez probablement reconnaître quelque chose. La foi bahaïe dit, Dieu est inconnaissable. Baha'u'llah nous enseigne que l'essence de Dieu est inconnaissable. C'est-à-dire, nous ne devons pas créer une image de Dieu dans notre esprit. Il ne faut pas se mettre à imaginer, à essayer de faire des discours sur Dieu, sur son essence. On ne peut pas penser à lui comme à un homme, un barbu qui siège là en haut dans le ciel, entouré d'anges. En général, la créature ne peut pas comprendre son créateur. Ils appartiennent à deux mondes différents. Est-ce que vous pensez qu'une table peut expliquer la nature et l'essence du menuisier qui l'a créée? Pour des objets créés par un menuisier, l'essence du menuisier est incompréhensible, c'est même inconcevable de penser comme ça. Donc pour nous, c'est même inconcevable d'essayer de dire qui est Dieu dans son essence. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Et selon Baha'u'llah, il nous explique que la raison de la création et la raison de notre création, nous ces créatures, c'est l'amour. C'est une énergie d'amour. Le souffle divin, c'est l'amour. Alors vous avez ici, si je peux schématiser par une sorte de triptyque, vous avez deux mots-clés. Unité, je l'ai dit tout à l'heure. Amour, c'est l'autre aspect de ce triptyque. Encore une citation de Baha'u'llah dans les paroles cachées. Et je vous le signale pour ceux qui auront un peu de temps tout à l'heure et qui auront envie de jeter un coup d'œil sur quelques écrits Bahaïou sur un très beau catalogue de photos des jardins Bahaï à Haïfa. Il y a là sur la table les paroles cachées. Et il y a même les paroles cachées en quatre langues dans le même livre, allemand, anglais, français et même luxembourgeois traduit par mon mari. Alors dans ces paroles cachées qui sont un petit, vous voyez c'est un petit ouvrage et ce sont des tout petits versets. Et chacun de ces versets est d'une richesse inestimable, d'une très grande profondeur. Pour parler du fait que la raison de notre création, c'est l'amour, voici une parole cachée qui dit « Ô fils de l'homme, j'ai aimé ta création, aussi t'ai-je créé. Aime-moi donc afin que je mentionne ton nom et que de l'esprit de vie j'emplisse ton âme. » Deuxième concept, après vous avoir parlé de Dieu qui est inconnaissable, et là encore vous allez probablement vous sentir à l'aise avec ce concept, c'est le concept de l'alliance éternelle. Donc on ne peut pas connaître Dieu, les prophètes nous disent que Dieu nous a créés par amour, et cet amour nous parvient à l'aide de ce qu'on appelle l'alliance éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous laisse jamais seuls et sans direction. Il est le Père créateur, si on peut parler comme ça. Il ne va pas, une fois qu'il a créé ses enfants, les laisser dans la nature, comme tout parent, on veille à l'éducation des enfants. Et Dieu, chaque fois que l'humanité s'écarte de lui, oublie ses enseignements, se retrouve comme un avion sans pilote, comme des gens perdus dans une forêt sans boussole. Alors Dieu leur envoie une manifestation de lui-même, qui apparaît, qui révèle à nouveau son message, sa volonté, ses buts. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu lui-même, mais dans son extrême compassion, son extrême amour, il se révèle à nous et il nous envoie ses messages, ses enseignements, à travers ce qu'on appelle des manifestations. Alors, le mot manifestation, c'est peut-être d'une certaine manière pour éviter certaines autres appellations comme prophète, parce que c'est déjà très chargé, prophète. On va revenir là-dessus. Les manifestations de Dieu, nous dit Baha'u'llah, elles révèlent à l'humanité la parole et la volonté de Dieu. Donc lorsque nous écoutons les paroles des manifestations de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous écoutons. C'est à son appel à lui que nous répondons. Les manifestations de Dieu, utilisons là une petite image peut-être pour symboliser, ce serait comme des miroirs parfaits qui reflètent la lumière de Dieu dans toute sa splendeur. Et tous ces miroirs réfléchissent la même lumière. C'est aussi, pour prendre une autre image, c'est aussi comme si vous voyez le soleil. On peut dire le soleil est là pour illuminer et réchauffer toute la terre. Mais le soleil lui-même ne vient pas sur terre, autrement tout brûlerait. Et nous brûlerions. Mais le soleil, dans sa générosité, pour nous éclairer et nous réchauffer, nous envoie des rayons. Les manifestations de Dieu, c'est comme les rayons du soleil divin. Tandis que Dieu est au-delà de notre perception, ces êtres, qui sont des êtres humains, choisis par Dieu, ce sont des êtres parfaits d'une certaine manière, ils viennent d'époque en époque. Et ils nous emplissent de l'énergie dont nous avons besoin, des enseignements dont nous avons besoin pour progresser, pour faire progresser toute l'humanité, à la fois matériellement et aussi spirituellement. Je vous laisse aussi réfléchir sur le matériellement, donc l'avancement de la civilisation. Pensez comment chaque message religieux a permis aux civilisations d'avancer dans le domaine des sciences, des arts, de la culture, et aussi spirituellement. Dans la toute première citation, rappelez-vous, nous parlions du remède souverain. Nous parlions du remède souverain, il y a quelques médecins dans la salle, parce que l'humanité, on peut dire, elle a beaucoup de plaies, elle est en grande souffrance. Regardons autour de nous, je ne veux pas vous paraître pessimiste ou faire de catastrophisme. C'est tout simplement des constats que l'on peut faire quotidiennement. Dès qu'on allume la télé, dès qu'on ouvre un journal, le monde est en souffrance. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et Baha'u'llah dit, dans ce monde qui souffre, voici le jour où les plus précieuses faveurs ont été prodiguées aux hommes. Le jour où sa puissante grâce a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de se ranger unis dans la paix la plus parfaite à l'ombre de l'arbre de sa providence. Nous retrouvons le fameux arbre et de sa tendre bonté. Pourquoi les plus précieuses faveurs? Parce que c'est le jour où Dieu s'est à nouveau manifesté aux hommes et leur a apporté la guidance, leur a apporté les enseignements qui apportent le remède pour ces souffrances de l'humanité. Maintenant, il y a une chose. Le soleil, il réchauffe, il envoie ses rayons, mais chacun d'entre nous est libre de se mettre à l'ombre ou de s'exposer au soleil. Je disais au tout début, le maître mot, c'est unir l'humanité. Bien sûr, les êtres humains, nous sommes très différents les uns des autres, et heureusement. Nous sommes différents sur le plan physique, nous sommes différents sur le plan émotionnel. Nous avons des talents, nous avons des aptitudes, nous avons beaucoup de choses qui nous différencient les uns des autres. Mais nous sommes tous issus de la même racine, du même tronc de départ. Et nous appartenons tous à une seule race, on peut dire, la famille humaine, le genre humain. Alors, Baha'u'llah nous enseigne cela. Lorsqu'un sentiment de haine commence à se former dans nos cœurs, nous devons immédiatement le remplacer par un sentiment d'amour. Vous allez dire utopie, vous allez dire mais comment est-ce possible? Ce n'est pas facile. Nous appartenons tous à la même famille. Mais nous savons, même dans les histoires de la Bible, que les frères ennemis existent, qu'au sein d'une même famille, on peut se faire la guerre, on peut avoir des rivalités, on peut avoir des sentiments de haine. Donc, bien que l'unité existe à l'origine, on vient du même sein, mais l'unité, il faut la reconstruire. Parce que l'histoire de l'humanité a été une histoire plutôt d'inimitié, de haine, de division, de guerre. Mais aujourd'hui, ne pourrions-nous pas dire, si je pouvais faire un peu d'humour, de dire, nous avons essayé pendant longtemps la guerre. Essayons la paix pour une fois et voyons ce que ça donne comme fruit. Si ça ne nous plaît pas, on peut toujours retourner à la situation de guerre. Mais essayons de changer un petit peu. C'est pour dire cette phrase qui est très difficile à concevoir parce que ça paraît si dur dans ce monde d'aujourd'hui qui souffre de partout. Eh bien, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'écrits de Baha'u'llah qui sont très proches de nous, puisque je reviendrai sur la partie historique pour vous dire que tout ça est très récent. Et nous pouvons être entièrement guidés, entièrement avoir des éléments pour des actions individuelles, un travail sur nous-mêmes, mais aussi pour des actions collectives, pour que cette phrase qui paraît tellement utopique soit une réalité. La foi bahaï, si elle est apparue comme une utopie au départ, aujourd'hui vous enseigne la mise en œuvre, la réalisation de cette utopie. Continuons donc ce voyage dans le monde de l'unité. Alors c'est un peu ce que je disais, mais quand quelqu'un se joint à la communauté Baha'i, c'est quelqu'un qui veut travailler pour l'unité. Et tout le monde est bienvenu de participer à la construction et au maintien de cette unité. Et comme je vous le disais, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'écrits qui nous guident pour trouver cette voie de l'unité. Encore une citation pour dire que Baha'u'llah a tracé le cercle de l'unité. Il a fait un plan pour unir tous les peuples et les rassembler à l'ombre de la tente de l'unité universelle. Il a fait un plan, c'est-à-dire que ses écrits contiennent des modes d'emploi, des recettes. Nous avons sur le plan institutionnel, sur le plan aussi bien du comportement individuel, de l'élaboration, de la mise en place des sociétés, des règles de fonctionnement de société, ce plan pour aller vers l'unité, pour aller vers des sentiments qui combattent la haine, les préjugés et l'inimitié. Et ceci est l'œuvre de la bonté divine. Et nous devons nous efforcer de cœur et d'âme de réaliser cette unité parmi nous. Et cette citation finit par cette phrase que je trouve très forte. Tandis que nous y travaillons, la force nous sera donnée. Je trouve ça très fort parce que pour beaucoup d'entre nous sur Terre, je suis sûre, beaucoup aspirent à trouver ce chemin de paix et d'unité. Mais on se sent tellement accablé par tout ce qui se passe, par tous ces maux dont souffre l'humanité. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis une petite goutte dans un océan de misère et de souffrance. Baha'u'llah nous dit, si tu te lèves pour travailler dans ce sens de l'unité et de la paix, tu n'es pas seul. Dieu va t'assister et la force te sera donnée. Et l'océan est composé de petites gouttes. N'oubliez jamais ça, chers amis. L'océan est composé de petites gouttes. Alors nous pouvons chacun d'entre nous devenir cette goutte qui, mise à bout d'une autre goutte, va former un océan de paix pour changer le monde qui est un océan de misère et de souffrance. Alors, quelques mots d'histoire pour répondre à votre question, cher monsieur. Baha'u'llah. Baha'u'llah est né en 1817 à Téhéran, la capitale de l'Iran. Vous connaissez sûrement, à l'époque, c'était l'Empire perse. Nous sommes au 19e siècle, vous voyez. Et dès sa plus tendre enfance, c'était un enfant particulier. Dès sa plus tendre enfance, il montrait des signes de grandeur. Il n'a pas reçu beaucoup d'instructions, vous savez, au 19e siècle, les écoles n'étaient pas généralisées, mais il n'avait pas besoin d'aller à l'école, parce qu'il était doté d'une connaissance innée, d'un savoir immense. Ses parents, son entourage étaient complètement béats d'admiration. On ne comprenait pas d'où lui venait ce savoir. Et dès son plus jeune âge, il montrait des signes de noblesse, d'amour du prochain, de service des pauvres et des miséreux. Il était né dans une famille qui était riche, qui appartenait à la cour du Shah, vous voyez, il venait d'une famille noble, et lui-même devait prendre la succession de son père à la cour du Shah. On lui a proposé un poste important, Mais il a refusé. Pour lui, sa vie, son temps devait être dédié à aider les pauvres et à soutenir la cause de la justice. Et voici le troisième mot du triptyque tellement important dans la foi bahaï. Unité, amour, justice. L'unité ne peut pas exister sans justice et sans cet autre pilier de l'amour. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. On va y revenir aussi. Les souffrances de Baha'u'llah, parce que comme tout prophète de Dieu ou manifestation de Dieu, il a eu une vie de souffrance, il n'a pas été reconnu, il n'a pas été accepté. Dès qu'il s'est levé, il devait avoir une quarantaine d'années, il s'est levé pour proclamer la cause de Dieu. À cette époque-là, on vivait en Iran dans une période très trouble, à la fois c'est l'islam chiite, où il y avait beaucoup de corruption dans le clergé musulman de l'époque, beaucoup d'obscurantisme, et en même temps c'était une époque de recherche messianique. Il y avait des écoles de pensée qui disaient que le temps est venu pour l'avènement du Messie. Donc il y avait cette quête messianique. Et alors lui, quand il s'est levé pour dire que, en quelque sorte, que les lois qui régnait dans le pays, toute cette corruption devait être finie, et qu'il est venu rappeler l'unicité de Dieu et tout un ensemble de principes, ça n'a pas du tout été accepté. On l'a considéré comme un révolutionnaire, dangereux pour la classe au pouvoir, et alors on l'a jeté dans un cachot, et sa vie, à partir de là, est devenue une vie d'exil, d'emprisonnement et de persécution. Il a d'abord été enchaîné dans des conditions qui sont tellement difficiles à vous raconter, jeté dans un cachot sombre et lugubre de Téhéran. Nous avons tout ça et proche de nous, vous voyez, nous sommes au milieu du 19e siècle, donc nous avons tout ça est rapporté par des chroniqueurs, donc l'histoire est tout à fait bien, documentée. Et par la suite, comme il appartenait à la noblesse et que son père était quelqu'un de très connu, on ne l'a pas tué. Bon, on vous dira aussi, en tant que croyant, Baha'u'llah, c'était bien sûr le dessein de Dieu qu'il ne soit pas tué. Mais il a été exilé. À l'époque, dans cette région, il y avait deux grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire perse. Les Perses donnent le cadeau empoisonné pour eux à l'Empire ottoman et disent « Éloignons ce révolutionnaire de Téhéran et de l'Iran, et comme ça, en s'éloignant, il n'aura plus l'influence qu'il a eue dès le départ. Il a eu énormément d'adeptes autour de lui. Il n'aura plus cette influence en Iran, on n'entendra plus parler de lui. » Alors l'exil commence en plein hiver, à travers les montagnes. Lui et sa famille partent à pied en caravane et ils arrivent à Bagdad. À Bagdad, pendant 10 ans, il vivra en exil, et on croyait que bon, ben voilà, ça allait se terminer. Mais non, pas du tout, ça ne s'est pas terminé. Il y a eu énormément de gens qui ont cru dans son message, qui ont commencé à se manifester comme des rénovateurs de l'islam à ce moment-là, qui ont commencé à parler d'aller au-delà de l'islam, et des gens venaient même d'Iran pour le rencontrer. Donc on s'est rendu compte, on croyait l'éloigner comme ça, il n'est pas assez loin, il faut qu'il aille encore plus loin, et l'exil continue, vous voyez, le 12 décembre 1863, après être passé à Constantinople, il est envoyé à Andrinople, et petite remarque, c'est la première fois qu'un messager de Dieu met le pied sur le territoire européen, ouest-européen. Et puis, à chaque fois, c'est la même histoire. Il y a d'autres adeptes et il y a de plus en plus de gens qui croient en lui, etc. Donc on se dit, il faut encore l'éloigner. Finalement, on lui demande de partir et on l'exile dans la forteresse de Saint-Jean d'Acre. Et il arrive là, le 31 août 1868. À l'époque, c'est la Palestine, sous mandat britannique. En tout cas, c'était l'Empire ottoman, c'était encore l'Empire ottoman, effectivement. C'est devenu sous mandat britannique après la création de la Société des Nations, donc début du XXe siècle. Mais à l'époque, c'est l'Empire ottoman, et la forteresse de Saint-Jean d'Acre, c'était un lieu qui était On a envoyé là, comme nous on a eu les travaux forcés à Cayenne, vous savez, on a envoyé là les bandits des grands chemins et les prisonniers politiques. Et il paraît qu'il n'y avait même pas d'eau potable. C'était un endroit extrêmement insalubre et on l'a enfermé dans cette prison. Vous avez là une photo. Oups. Vous avez là une photo de la prison et puis la cellule où a été emprisonné Bahá'u'lláh a été récemment rénovée par les Bahá'ís. On peut la visiter. Là, c'est la fenêtre que vous voyez ici. La fenêtre de sa cellule. Et Bahá'u'lláh dit, souviens-toi, il parle aux croyants, souviens-toi de mes jours pendant tes jours, de ma détresse et de mon bannissement en cette prison lointaine. Il a qualifié la prison de la forteresse de Saint-Jean d'Acre de la plus grande prison. Et il demande aux croyants de demeurer ferme. Demeure si ferme en mon amour que ton cœur ne vacille pas. Dussent les épées de tes ennemis faire pleuvoir leurs coups sur toi et le ciel et la terre se soulever contre toi. On a fait tout ça pour éteindre sa flamme, pour éteindre cette foi. Et lui dit, quelles que soient les épreuves, ne te détourne pas de ce chemin de Dieu. Et il nous dit, on l'appelle la beauté ancienne, parce que c'est la beauté de toutes les manifestations de Dieu. C'est la beauté du passé, c'est la beauté du présent. Celui qui a la beauté ancienne s'est laissé charger de chaînes. Il avait été enchaîné par des grosses chaînes. On a aujourd'hui à Haïfa, on peut voir dans les reliques, d'énormes chaînes. Ils étaient enchaînés au cou les uns des autres et aux pieds. Ils ne pouvaient pas bouger. Il s'est laissé charger de chaînes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté cette situation ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté de perdre tous ses biens ? Il vivait dans l'aisance, il vivait dans les soirées. Vous pouvez l'imaginer, à cette époque, la civilisation perse, et lui qui était un noble. Pourquoi ? Pour que l'humanité soit libérée de son esclavage. Il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Pas la liberté formelle, la liberté spirituelle. Il a bu jusqu'à la lie le calice de l'infortune, afin que tous les peuples de la terre puissent atteindre à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse, l'allégresse de la bonne nouvelle que Dieu ne nous abandonne pas, qui nous a guidés à nouveau. Ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le compatissant, le très miséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'unité de Dieu, accepté d'être abaissés pour que vous soyez exaltés. Et nous avons souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux qui s'érigent en partenaires de Dieu, ces grands rois, le Shah de Perse, le sultan ottoman, ceux qui s'érigent en partenaires de Dieu, ont forcé d'habiter la plus désolée des cités, celui-là même qui est venu reconstruire le monde. Il disait, je prône l'unité et la paix, quel mal y a-t-il à cela pour mériter de se retrouver ainsi? Mais ces épreuves ont beaucoup de sens, bien sûr. Donc tous les efforts avaient été entrepris par les puissants de l'époque, le Shah et le Sultan, pour s'opposer à Bahá'u'lláh et à ses enseignements. Mais quand c'est la lumière de Dieu, quand c'est la lumière de vérité, quelle que soit la force du vent qui souffle, elle ne peut pas l'éteindre. Et en dépit de cette constante persécution, il continua de révéler la parole de Dieu pendant plus de 40 ans. Et vous voyez la chance qu'on a, pendant plus de 40 ans, il a écrit. La révélation était extrêmement riche. Et nous avons aujourd'hui ces écrits originaux. Nous pouvons même les voir à Haïfa. Nous avons à Haïfa les archives où nous pouvons voir les écrits même de sa propre main. Et donc c'est quand même extrêmement touchant de se dire il n'y a pas tous les faits des années qui se sont succédées, des différentes traductions avec, vous savez, la perte de sens ou les déformations qui se font à travers le temps. Donc ces enseignements sont extrêmement récents et peuvent tous nous éclairer. Le mausolée de Bahá'u'lláh, qui est mort en 1892, n'est pas sur le mont Carmel. Le beau dôme doré que vous voyez, ce n'est pas la tombe de Bahá'u'lláh, mais Bahá'u'lláh est enterré dans ce mausolée dont vous voyez une photo, Et la photo d'à côté, c'est une photo aérienne qui vous montre. Donc, c'est près de la ville de Saint-Jean-d'Acre. Ça s'appelle Bardji. Et donc, il est enterré là. Et là aussi, c'est extrêmement touchant pour une religion de savoir où sont les restes de son prophète. Et c'est bien sûr pour les Bahaïs le lieu le plus sacré, la Terre Sainte. C'est là où est enterré Baha'u'llah. Et vous comprenez donc que c'est historique, la raison pour laquelle la Terre Sainte est Terre Sainte pour les Bahaïs aussi, lieu de pèlerinage pour les Bahaïs qui viennent se recueillir sur la tombe de Baha'u'llah. C'est le dessein divin que cette terre d'Israël aujourd'hui soit la Terre Sainte de toutes les religions. Alors, ce que vous voyez sur le mont Carmel, que tout le monde connaît, ce dôme doré, c'est en fait le tombeau, le mausolée du pape. Et là, je fais un tout petit point d'histoire. Qui est le pape? C'est le précurseur de la foi bahaï, car Baha'u'llah, dans son titre de manifestation de Dieu, a été annoncé quelques années auparavant par quelqu'un qui a pris le nom de pape. Bab, en arabe, veut dire la porte. Quelques années avant que Baha'u'llah ne proclame sa mission, Dieu a envoyé un messager spécial qui est aussi une manifestation de Dieu et dont le mandat, en quelque sorte, si je puis parler ainsi, le mandat était d'annoncer la venue du promis de tous les temps. Le Bab s'est levé pour dire le temps est venu pour l'avènement de celui qui est promis dans toutes les religions et il a parlé de Baha'u'llah. Pendant 6 ans, donc vous voyez ces cours sans relâche, le Bab enseignant que l'apparition de la nouvelle manifestation de Dieu était proche et il a préparé la voie pour sa venue. Il a réformé l'islam, il a aussi révélé un nouveau livre avec d'autres règles, d'autres lois. Et il disait aux gens qu'ils assistaient à l'aube d'un nouvel âge, l'aube du jour promis de Dieu. À cause de ça, le Bab, qui a très vite connu, a eu des milliers d'adeptes, qui ont commencé à suivre ses enseignements, mais le gouvernement d'Iran, bien sûr, a vu en lui aussi un danger. Ils se sont élevés contre lui et finalement, lui et ses disciples ont été persécutés. Beaucoup de ses disciples ont été exécutés dans des conditions, là aussi historiquement documentées, d'une extrême violence et barbarie. Et à l'âge de 31 ans, donc vous voyez très jeune, le Bab a été martyrisé sur les ordres du gouvernement par un régiment de soldats qui le suspendirent sur une place publique et le fusillèrent. On a deux prières du Bab que nous disons très régulièrement et je vous les propose pour que vous fassiez connaissance avec ces prières. La première dit: Qui, hormis Dieu, dissipe toutes les difficultés? Dit: Loué soit Dieu, lui seul est Dieu, tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement. L'autre dit: Dieu suffit à tout, au-dessus de tout. Rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité, il est en lui-même celui qui sait, celui qui soutient, l'omnipotent. Pour de telles paroles, il a été martyrisé. Encore une figure très importante de la foi bahaï, je fais un petit tour d'histoire avec vous et pour que vous connaissiez les personnages, ce personnage d'Abdu'l-Bahá, c'est aussi l'un des cadeaux, l'une des chances que les bahaïs ont. Abdu'l-Bahá est le fils aîné de Baha'u'llah. Et il y a une idée très importante dans la vie des Bahaïs, c'est l'idée que nous avons, en tant que Bahaïs, conclu une alliance avec Baha'u'llah. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est une chance? C'est que dans la plupart des religions, il y a la manifestation de Dieu, la plus importante, au moins reconnue, qui a un rayonnement de son vivant, qui a beaucoup d'adeptes. Et souvent, après la mort du prophète ou de la manifestation de Dieu, il y a de nombreuses disputes. Ce sont les deux frères, là, et les familles de l'histoire de l'art. Et souvent, les disputes, c'est pour la succession. Qui est le successeur, celui qui a, disons, l'autorité après le prophète pour parler au nom de ce prophète. Et généralement, ça crée des branches, ça crée des mouvements, ça crée des scissions au sein des religions, et c'est comme ça dans toutes les religions ou dans beaucoup de religions, où il y a un grand nombre de sectes qui se créent au sein des religions. Baha'u'llah a protégé sa foi contre de telles divisions, parce que bien sûr, il est venu pour l'unité. Et avant tout, donc, il faut donner l'exemple de l'unité au sein de la foi bahaïe. Et il a conféré le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de l'alliance, en laissant un testament très clair, vous voyez ici encore des photos d'Abdu'l-Bahá, dans lequel il dit que après lui, quand il va quitter cette terre, les Bahaïs doivent se tourner vers son fils aîné, qui n'a voulu avoir comme titre que le titre d'Abdu'l-Bahá, qui veut dire le serviteur de Dieu. Il était l'exemple même du service à l'humanité, de l'amour de l'humanité. Et lui est, dans le testament de son père, le seul qui a le droit d'interpréter et d'expliquer à la communauté comment vivre la vie bahaïe, comment mettre en application les enseignements bahaïs. Et en ce sens, c'est vraiment un cadeau, parce que c'est comme un modèle vers lequel on peut se tourner. Sa vie est un modèle, un exemple. Quand on a une question, on se dit, qu'est-ce qu'Abdu'l-Bahá aurait fait? Voyons dans les écrits historiques qui nous racontent sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans telle ou telle situation. Il a vécu 77 ans. Il avait dès le départ suivi son père en exil, en prison, et puis il a bien sûr terminé sa vie en Israël. Et il est mort en 1921. Avant ça, en 1911, je crois, il y a eu, vous savez, la révolution des jeunes turcs, la chute de l'Empire ottoman, et donc il n'était plus prisonnier politique, puisque son père et toute la famille étaient des prisonniers politiques de l'Empire ottoman. Il a pu quitter son statut de prisonnier et commencer à voyager. Et c'est grâce à Abdu'l-Bahá que la foi est partie donc de l'Iran, de cette région où Baha'u'llah était passé, et a commencé à se répandre dans le monde. Il est parti aux États-Unis, il est venu en France, dans beaucoup de pays européens, donc on a le récit de ses parcours. Et cette année, en France, nous fêtons le centenaire des visites d'Abdu'l-Bahá en France. Donc on a plusieurs événements pour commémorer. Et à partir de là, la communauté bahaïe est devenue une communauté mondiale. Vous le voyez ici au pied de la Tour Eiffel. Donc, c'est lui qui a porté le message au monde, c'est lui qui l'a interprété. Et toute la communauté travaille pour l'établissement de l'unité de l'humanité. Vous avez ici une petite prière que j'aime beaucoup, que je dis très souvent, qui a été révélée par Abdu'l-Bahá. Peut-être, Jean-Marie, tu veux dire cette prière pour changer un peu de voix. Ô Dieu, rafraîchis et réjouis-moi l'esprit. Purifie mon cœur, éclaire mes facultés. Je remets toutes mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide et mon refuge. Je ne veux plus m'abandonner à la tristesse ni au chagrin. Je veux rayonner de joie et de bonheur. Je ne veux plus me laisser envahir par l'anxiété ni accabler par les tourments. Je ne veux plus m'apesantir sur les ennuis de la vie. Tu es plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Je me consacre à toi aussi. Je termine rapidement sur ces quelques mots d'histoire. Voici le dernier descendant. Je l'ai un peu mentionné dans la citation très longue du début. Shori El-Fandi, donc l'arrière-petit-fils de Baha'u'llah. Donc, à son tour, Abdu'l-Bahá, le fils aîné de Baha'u'llah, a laissé un testament pour qu'à sa mort, encore une fois, qu'il n'y ait pas des divisions, des scissions. Et il a désigné son petit-fils comme gardien de la foi et il lui a donné la mission d'interpréter lui aussi les enseignements bahaï. Shori Effendi avait, pendant 36 ans, a continué le travail de son grand-père. Il a clarifié les écrits de Baha'u'llah, il a établi fermement la foi bahaï dans plusieurs parties du monde et comme je vous ai dit, c'est lui qui a traduit les écrits en anglais. Il a été élevé, était à l'université à Oxford. Donc... Alors, après sa mort, c'était terminé, il n'y avait plus donc de personnalisation de l'autorité bahaï. Et lui, Shori Effendi, pendant le temps de sa, disons, de son mandat de gardien de la foi bahaï, il a mis en place tout le système pour que, après lui, existe, soit mise en place des institutions. Ces institutions, ce sont elles qui vont veiller à la mise en œuvre de l'unité et de la justice. L'institution suprême, la plus importante, qui est en quelque sorte le Conseil international Bahá'í, c'est la Maison universelle de justice. À mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la justice, dit Baha'u'llah dans les paroles cachées, et si on croit, ce sont les paroles de Dieu. Que Dieu dit, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la justice. Et c'est pourquoi l'institution internationale, l'institution la plus importante, a pris le nom de Maison universelle de justice. Cette institution est prévue dans les écrits de Baha'u'llah. C'est-à-dire que ce système institutionnel, il est dans la révélation. Pour les Baha'is, l'existence de la Maison universelle de justice, c'est dans le plan divin. Ce n'est pas une création sortie de la pensée philosophique des êtres humains. En 1963, la Maison universelle de justice a été élue par les Baha'is du monde entier selon un système démocratique. Elle est élue tous les 5 ans. Il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de campagne électorale. Elle est composée de 9 membres. Et ces membres, le siège de la Maison universelle de justice, il est sur le Mont Carmel à Haïfa. Vous avez ici une photo de ce bâtiment. Vous avez aussi à côté ce bâtiment grec classique. Ce sont les archives. C'est là que l'on peut voir des écrits de la main de Baha'u'llah, les habits qu'il a portés, les crayons qu'il a utilisés. Donc vous voyez comme tout ça est très très proche. Vous avez ici une image, quelques images des délégués du monde entier qui vont élire tous les 5 ans la Maison universelle de justice, vous voyez, avec leur tenue traditionnelle. J'ai eu le privilège d'assister à une convention internationale à Haïfa pour l'élection de la Maison universelle de justice il y a quelques années. Et vous savez, mon sentiment, c'était, lorsque j'étais là, j'avais l'impression comme si c'était, vous savez, que Dieu était un artiste extraordinaire et que j'avais là la palette de cet artiste peintre. C'était comme des fleurs d'un jardin multicolore. Il y avait, vous ne pouvez pas imaginer, vous vous tourniez et puis vous voyez des gens, jusque les Inuits du pôle Nord, des gens de tout pays, de tout physique, toutes sortes de costumes, des hommes, des femmes, tous unis dans la même pensée et avec le même objectif, travailler ensemble pour l'unité de l'humanité, pour la paix, pour la réconciliation, là où il y a eu de la guerre, là où il y a eu de l'inimitié, des divisions. C'est vraiment un magnifique jardin coloré de l'humanité. Voilà quelques images de ces beaux lieux où je vous souhaite d'aller si vous n'êtes pas déjà allé. Vous voyez ici une image des terrasses, de jardins, une fontaine. Je vous disais la présence de l'eau, de ce bruit de l'eau. Et je vous rassure, dans ce pays où bien sûr l'eau est une ressource fondamentale, il y a tout un système extrêmement élaboré, sophistiqué pour que l'eau soit récupérée, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Vous savez, tous les talents des Baha'is du monde, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient, je ne sais pas, agronomes ou autres, ont été mis au service de la réalisation de ces terrasses. Voilà. Le bâtiment de la Maison universelle de justice. Voilà, les beaux jardins. Vous savez, à chaque fois qu'on y va, il y a énormément de visiteurs. C'est actuellement le lieu touristique, entre guillemets, le plus visité en Israël. Quand il y a un mariage dans les environs de Haïfa, les mariés vont dans les jardins prendre les photos. Et il y a des guides qui accompagnent les visiteurs. Et vous savez, ces guides sont formés par un organisme du Centre mondial Baha'i. Et par cette formation, il y a aussi une contribution à la réconciliation parce qu'il y a des guides arabes, des guides juifs qui ensemble font la formation et qui ensemble découvrent les racines communes de leur religion à travers les enseignements Baha'i. Voilà, ici vous avez une photo sur la mer, le port de Haïfa. On continue le voyage. Alors bien sûr, comme toute religion, il y a des lois. Vous allez me dire, ça a l'air très beau, est-ce que vous n'avez pas de lois, de règles, surtout en tant que juif? le livre des lois, la présence des lois, c'est très très important dans l'éthique juive, dans la pratique juive. Bien sûr, les manifestations de Dieu, de toutes les religions, ont apporté des lois à l'humanité. Il y a beaucoup de lois aussi, il y a le livre le plus sacré pour les Baha'is, s'appelle le livre des lois. Mais avant de vous parler de ces lois, je ne peux bien sûr pas vous parler de toutes les lois, j'en ai choisi juste quelques-unes pour illustrer. Mais avant de vous parler des lois, je veux vous parler de l'esprit des lois. C'est-à-dire qu'il nous est expliqué que lorsque Dieu nous envoie des règles, ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas pour nous contraindre et réduire notre liberté. Au contraire, ces lois, et ça c'est des citations de Baha'u'llah, sont les lampes de mon affectueuse providence parmi mes serviteurs, les clés de ma miséricorde pour mes créatures. Observez mes commandements pour l'amour de ma beauté, nous dit Baha'u'llah. Ne respectez pas les lois parce que vous avez peur d'aller en enfer ou parce que vous voulez marchander avec Dieu une place au paradis. Faites-le par amour, pour la beauté de Dieu, pour la beauté de l'amour que Dieu exprime à l'humanité en envoyant ses lois. C'est pour nous protéger. Je me suis demandé pourquoi c'était les lampes de l'affectueuse providence. Et ce n'est qu'une interprétation personnelle. Un jour, je me suis dit, quand on est dans un chemin de foi, c'est comme on est sur un sentier. Et parfois, ce sentier, eh ben, il n'est pas tout droit, il est parfois obscur. Et ces lois, c'est comme des lampes pour nous éclairer sur ce sentier. C'est ma petite interprétation. Alors, une de ces lois, c'est la prière. Il dit, nous avons un corps, et il est tout à fait normal, logique, naturel de nourrir ce corps, n'est-ce pas? Parfois, on le nourrit mal, parfois, on le nourrit trop ou pas assez, mais on le nourrit. Et ça nous paraît naturel, on ne réfléchit pas trop là-dessus. Mais nous oublions parfois que nous avons une âme. Et notre âme a besoin aussi de nourriture pour se développer, pour ne pas péricliter. Et la prière, c'est la nourriture spirituelle. La prière est une des lois. Les Baha'is sont des personnes qui prient, qui mettent la prière beaucoup au centre de leur vie. Nous partageons nos prières avec tous ceux qui nous entourent. Nous organisons partout des réunions de prière ouverte à tout le monde, des prières interreligieuses. Prier, c'est entrer en conversation d'amour avec notre bien-aimé Créateur. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas envie de lui dire notre amour et de lui parler? C'est ça la prière. Voici un exemple d'une prière. Ô mon Dieu, je témoigne que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. Qu'est-ce qu'en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse? Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le secours, l'absolu, l'expression de l'humilité face à la majesté du très miséricordieux Créateur. Une autre loi, je l'ai choisie parce que c'est un sport dans nos sociétés que la médisance, la calomnie. Regardez comme les médias sont pleins de ça. Et comme c'est difficile parfois, beaucoup d'entre nous au boulot, Qu'est-ce qu'on entend comme critique les uns des autres? Parfois dans la même famille, parfois dans la même communauté. Et on y va, et on regarde les uns les autres, et on juge, et on raconte. Et Baha'u'llah nous dit, c'est un poison, pas pour l'autre que vous êtes en train de critiquer, de médire, mais déjà pour vous-même, pour votre âme. C'est comme d'ingurgiter un poison. Et il a formellement interdit la médisance. Il dit, ô compagnon de mon trône, n'écoute pas le mal et ne vois pas le mal. Ne t'abaisse pas. Dire du mal des autres, c'est vous abaisser. Ne laisse échapper ni soupir ni larmes. Ne dis pas de mal pour ne pas en entendre dire de toi. Ne grossis pas les fautes des autres pour que les tiennes ne paraissent pas graves. Et ne souhaite l'humiliation de personne afin que la tienne ne soit pas apparente. L'esprit sans tache, le cœur immaculé, les pensées pures et l'âme sanctifiée. Vis les jours de ta vie qui sont plus courts qu'un moment fugitif. N'oublions pas ça. La vie est très courte, elle passe très vite. Essayons de la vivre dans la pureté, dans la liberté. Alors, libre et heureux, tu abandonneras cette forme mortelle pour te retirer dans le paradis mystique et demeurer à jamais au royaume éternel. Et ce sont des paroles très mystiques, mais vous voyez derrière vraiment cette interdiction de dire du mal des autres. Parmi les règles alimentaires, il n'y a pas beaucoup de règles alimentaires, il n'y a qu'une seule chose qui est interdite, c'est l'alcool, l'alcool et les drogues. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a créés nobles. Nous avons dans les écrits beaucoup, beaucoup d'écrits sur le rang auquel Dieu nous a élevés, que nous sommes le diadème de sa création, que nous sommes au rang le plus élevé de la création et qu'il nous a créés nobles, alors il ne faut pas nous abaisser. Il dit, je t'ai créé riche, pourquoi t'abaisses-tu à la pauvreté? Je t'ai fait noble, comment peux-tu t'avilir? Pensez à quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue ou sous l'effet de l'alcool, comment ça peut être vraiment une humiliation et un avilissement quand il ne peut plus du tout se maîtriser, quand il n'a plus son discernement, son intelligence. Il nous dit, de l'essence du savoir, je t'ai donné la vie. Pourquoi cherches-tu la lumière auprès d'un autre? Pourquoi est-ce qu'on cherche les réjouissances dans une drogue, dans de l'alcool? Dans l'archive de l'amour, je t'ai modelé. Comment peux-tu t'occuper d'un autre que moi? Tourne ton regard vers toi, toi, toi-même, et tu me trouveras en toi. Fort, puissant, absolu. Ça veut dire ne perds pas toi-même, ton cœur, ce qui est au fond de toi. Ne perds pas ta noblesse et tu vas trouver Dieu dans ton cœur. Une autre loi, et on peut peut-être un petit peu accélérer si vous êtes fatigué, l'éducation de tous les enfants. Vous savez, quel que soit le sujet de société qu'on aborde aujourd'hui, on se dit ça revient à un problème d'éducation. Nous sommes ici en train de parler d'éducation, pas dans le sens remplir la tête des enfants en les considérant comme un vase vide qu'il faut remplir de savoir, alors on remplit de matière, de connaissances, etc. Non. On parle ici d'éducation spirituelle. En considérant que l'enfant, par là, nous dit, regarde chaque être humain comme une mine riche en pierres précieuses. Mais l'éducation doit aider à sortir ces pierres précieuses, à montrer tout leur éclat et permettre à l'humanité d'en profiter. Ça veut dire en potentiel, nous avons beaucoup de qualités. Nous avons toutes les qualités. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous avons été créés à son image. Nous avons toutes les beautés, nous avons toutes les bontés, nous avons toutes les qualités. Elles sont là en potentiel, comme une mine profonde, parfois très profonde. Il faut aller chercher loin. Et c'est comme un diamant, vous savez, quand on le trouve dans la mine, c'est une pierre noire. Il faut beaucoup de travail pour arriver à ce que les facettes deviennent brillantes et montrent tout leur éclat. C'est ça l'éducation. C'est l'éducation spirituelle, l'éducation de l'esprit, du caractère, pour que l'être noble montre sa noblesse. Bien sûr, après, il y a l'éducation scolaire, le savoir, etc. Mais à quoi ça sert, nous dit Baha'u'llah, d'avoir un enfant qui a beaucoup de savoir et qui a un caractère détestable, qui ne respecte personne? Personne n'a envie de le côtoyer, de l'écouter. Il peut être le meilleur des savants, vous voyez? Donc l'éducation du caractère, l'éducation de l'esprit. Alors c'est un devoir sacré pour les Baha'is d'éduquer leurs enfants. Et idée révolutionnaire, ça peut vous expliquer, entre autres, pourquoi les Baha'is sont persécutés en Iran. C'est que Baha'u'llah dit, si vous avez une fille et un garçon, et vous n'avez pas les moyens d'élever les deux, commencez par la fille. L'éducation de la fille doit être première. Pourquoi? Parce qu'après, cette fille, elle sera mère et elle sera la première éducatrice. Si elle est inculte, si elle n'est pas éduquée, elle va donner une mauvaise éducation. Un siècle et demi après, cette loi Baha'i, ça fait partie des règles absolues de l'UNESCO, des Nations Unies. C'est de répandre partout dans le monde, et notamment le monde en développement, l'éducation des filles et des femmes. Alors, je vous disais que le but de la foi Baha'i, c'est l'unité du monde entier, c'est de construire une civilisation qui soit une civilisation mondiale. Ce projet mondialiste, en quelque sorte, de civilisation mondiale, il existe dès l'origine, et il repose sur trois acteurs fondamentaux. Le premier acteur, c'est l'individu lui-même. C'est une responsabilisation de chacun d'entre nous. Nous avons le devoir de contribuer à la construction de cette unité de l'humanité, à l'avènement de cette civilisation. Notre devoir, c'est de rester ferme dans cette alliance et de nous efforcer chaque jour de notre vie. de suivre les enseignements divins et de contribuer à l'édification de cette civilisation de paix et d'unité, en sachant que notre vie ne se termine pas à la mort. La mort physique est le début de la vie spirituelle, de la vie éternelle de l'âme. Notre relation avec Dieu est éternelle. Et après la mort, nous allons continuer notre voyage vers Dieu. Il y a un deuxième acteur qui est la communauté. On n'a pas été créé pour vivre seul. On vit tous dans une communauté, dans un espace social. Et c'est dans l'interaction avec les autres que nous apprenons, que nous nous perfectionnons, que nous pouvons travailler en commun, que nous pouvons réaliser vraiment les choses. Chacun tout seul, on ne peut pas réaliser. Alors c'est ensemble que nous travaillons à construire une nouvelle civilisation. Et quand je dis communauté, ce n'est pas du tout dans un esprit sectaire ou fermé. La communauté pour nous est vue au sens large. Tous ceux qui partagent la volonté de travailler à l'édification d'une nouvelle civilisation de paix et d'unité sont les bienvenus. Vous savez, dans nos activités, nous avons par exemple des classes d'éducation spirituelle des enfants. Ces classes, il y a des enfants de tous horizons. Il n'y a aucune fermeture. L'éducation spirituelle que nous donnons aux enfants Bahaï, c'est la même chose pour tous leurs petits copains de toutes les religions. Parce que les enseignements de ces classes sont des enseignements universels. Qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend l'amour, on leur apprend l'unité, on leur apprend de ne pas avoir de préjugés, de racisme, on leur apprend la générosité. Vous voyez, c'est valable pour tout le monde. Et si nous le faisons pour nos enfants, c'est tout à fait logique de proposer ça à tout le monde. Nous avons des formations pour les enseignants de classe d'enfants, qui sont des formations ouvertes à tout le monde aussi. Nous avons des formations pour tous les âges de la vie. Et dans toutes nos activités, des Bahaïs avec des croyants et des non-croyants, parce qu'il y a des humanistes qui partagent ces valeurs, mais qui ne les rattachent pas à Dieu ou à une religion. Mais nous avons le même objectif. Nous voulons la même chose, travaillons ensemble. Pourquoi est-ce que les étiquettes nous sépareraient? Parce que toi, tu portes sur ton front l'étiquette chrétien, l'étiquette athée, moi l'étiquette bahaï, toi l'étiquette juif, et on a les mêmes idées, les mêmes aspirations, on ne peut pas travailler ensemble. Au contraire, on a besoin. Parce que toi, avec ton regard juif, toi, avec ton regard chrétien, tu m'enrichis, tu me permets de voir les choses d'un autre point de vue. La réalité est tellement multiforme, complexe, riche. On a besoin de s'enrichir les uns des autres. Donc notre communauté, qu'elle soit au niveau local ou au niveau national, est une communauté extrêmement riche. Bien sûr, il y a la communauté Bahaï au sens institutionnel du terme, c'est-à-dire que dans toute localité où existent des Bahaïs, ils élisent une assemblée qui va s'occuper des affaires de la communauté. Et là, c'est l'assemblée Bahaï. Nous n'avons pas de clergé, nous n'avons ni prêtre ni rabbin. Chacun d'entre nous est responsable de sa formation spirituelle et de partager ce message avec les autres. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc le troisième acteur, ce sont les institutions au niveau local, au niveau national et au niveau international. Les assemblées Bahaï sont toutes élues selon un système démocratique, à bulletin secret. Elles sont toutes constituées de 9 membres, que ce soit au niveau national, local ou international. Et encore une fois, sans clergé, sans prêtre. Voilà, une petite parole de clôture qui est une parole de Baha'u'llah. Combien grande est la multitude des vérités que le vêtement des mots ne saurait contenir. J'ai choisi cette citation pour vous dire, quelle que soit longue cette présentation, et si vous êtes fatigué, excusez-moi d'avoir été trop bavard, mais quelle que soit la longueur des présentations qu'on pourrait vous faire, il y a tant de richesses dans les enseignements Bahaï, tant de richesses exaltantes, je vous assure, parce que ça vous amène à aller de plus en plus au plus profond de vous-même, que ce que j'ai pu vous dire ce soir, c'est un vêtement extrêmement pauvre. Le vêtement des mots ne saurait contenir la multitude des vérités de l'enseignement divin. Combien nombreuses sont ces vérités qu'aucune expression ne peut rendre de façon adéquate, dont le sens ne pourra jamais être dévoilé, en tous les cas, Pas entièrement. Pendant toute une vie, nous pouvons explorer les écrits et peut-être dans l'autre monde, nous allons encore explorer et découvrir d'autres sens. Combien de ces vérités aussi doivent rester inexprimées jusqu'à ce que soit venu le temps fixé pour leur révélation. Vous savez, Jésus avait dit à ses adeptes, je ne vous ai pas tout dit. Je reviendrai encore pour vous parler. Et c'est ce qui est contenu dans beaucoup, beaucoup d'écrits. Ainsi, il a été dit, et Baha'u'llah reprend ça en disant, tout ce qu'un homme sait ne peut pas toujours être communiqué. Quant à ce qui peut être communiqué, il n'est pas toujours opportun de le faire. Il faut trouver le moment opportun pour parler de certaines choses. Et tout ce qui pourrait être opportunément communiqué ne correspond pas toujours à la réceptivité de ceux qui l'écoutent. J'espère que vous avez été réceptifs ce soir, que je ne vous ai pas noyé sous ce flot de paroles. Et je voudrais terminer une petite histoire juive que j'aime beaucoup. Je suis très engagée dans le dialogue interreligieux, vous avez dû le comprendre. Et c'est une blague du dialogue interreligieux. Et puis Jean-Marie va nous passer un tout petit film qui a été fait justement à Haïfa. Alors cette petite blague du dialogue interreligieux, c'est un colloque interreligieux. Et la question du colloque, c'est où est Dieu ? Hein ? Alors autour de la table, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a le rabbin, il y a des moines bouddhistes. Où est Dieu ? Alors certains, là, le prêtre catholique, il dit, c'est bizarre que les organisateurs ils aient pensé à poser une telle question. Dieu est dans le ciel, évidemment. Le protestant, il dit, moi je suis pas sûr, je pense qu'il est dans le ciel, il est sur terre aussi. L'hindouiste, il dit, Dieu, il est sous chaque pierre, il y a Dieu. Le bouddhiste, il dit, dans chaque arbre, dans chaque élément de la création, il y a Dieu. Le rabbin, il est silencieux. Et au bout d'un moment, les autres, ils se rendent compte, ils se tournent vers lui. Et vous, monsieur le rabbin, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de la question ? Et le rabbin leur dit, écoutez-moi, j'en sais rien, à mon avis, Dieu est partout où on veut bien le laisser entrer. Alors, en ouvrant le portail qui mène au jardin Bahaï magnifique, j'ai souhaité un tout petit peu ouvrir votre cœur. Et j'espère que j'ai trouvé le chemin de mon cœur. C'est là que siège Dieu. Un petit film maintenant. Truth. was very much part of me. So when I met Baha'is, they told me that there are no rituals in your heart. You should believe that all messengers of God come from the same source. And Baha'u'llah is another messenger of God. So I became a Baha'i. Baha'u'llah was exiled here. And his resting place is here, the place where he's buried, which is actually in Akka. So therefore, it's natural that for us it's also holy land.